Gaston Charles Richard. Elsa, détective privée. Tragédie prussienne. Chapitre 1. Vers le début de l'été de 1923, un fait divers horrible défraya pendant quelques jours les conversations à Berlin. Selon les journaux, le petit-fils du général Ulrich von Fegels, Ludwig Michael, avait été dévoré vivant par une meute de grands dogues d'Ulm que le vieux général entretenait dans le parc d'une immense propriété qu'il possédait dans la Prusse du Nord, en Grande-Poméranie. Une profonde sympathie et un grand respect entouraient Ulrich von Fegels. On savait que, durant de longues années, il avait donné l'exemple de la modération. Beau soldat, patriote clairvoyant, homme d'études et de rayonnement, il savait que sa patrie avait tout à gagner aux travaux de la paix et tout à perdre peut-être au jeu terrible de la guerre. Parti à la tête d'une division poméranienne allemande, appelé à commander un corps d'armée après la retraite sur la Marne, partout il avait montré une valeur extrême, un froid courage, une énergie des plus belles, aux heures où la furia française triomphait de la ténacité allemande. De rudes coups l'avaient frappé. Sa femme était morte de chagrin en apprenant que leur fils aîné, Wilhelm, avait été tué en 1916 à Verdun. Son second fils, Franz, lors de la Seconde Marne, avait été si cruellement mutilé qu'il devait renoncer à fonder une famille à jamais. Tout l'espoir de sa maison, tout l'avenir de sa race reposait donc sur son petit-fils, Ludwig Michael. Né en 1916, très peu de temps après la mort de son père, le petit Ludwig, en 1920, était doublement orphelin. Sa mère, une bonne et tendre créature, qui avait fait sienne la devise des anciennes femmes allemandes, le foyer, l'église, les enfants, avait pris froid, un soir, en s'attardant à prier dans le funèbre enclos du parc où reposait la cendre de son époux. Une congestion pulmonaire l'avait emporté en 9 jours. Toute la tendresse, tout l'amour paternel du général von Fegels s'était reporté sur son petit-fils. Ludwig Michael était un bel enfant, robuste et sain, aux cheveux blonds, un peu roux, aux yeux bleus, sage, aimant, studieux autant que pouvait l'être un garçonnet de son âge. Mais malgré tout, la vie n'était pas bien gaie dans le vieux château poméranien, entre l'enfant, le vieillard et le mutilé. Franz von Fegels était d'humeur taciturne et plutôt réservée, au temps même de son adolescence. Sa terrible blessure l'avait encore assombri. Devenu énorme, obèse, ce colosse de près de 6 pieds ne prenait plus quelque plaisir qu'à de longues randonnées solitaires en automobile. Il lisait beaucoup aussi, pêle-mêle, fumait comme un volcan et parfois, quand il se sentait l'âme trop lourde, buvait seul dans sa chambre jusqu'à rouler ivre-mort. Naguère encore, il avait essayé de chasser pour lutter contre la dépression morale, l'envahissement de l'adiposité. Il avait acheté des chiens, engagé un valet nommé Casper, chargé de les soigner, un garde-chasse chef, Ruprecht Wagner, et repeuplé à grands frais les taillis. En quelques années, les bêtes avaient pullulé. Mais ce n'était que rarement que Franz von Fegels consentait à leur faire l'honneur de les tuer. Quand il apprit la mort tragique, l'épouvantable fin de son petit-fils, von Fegels était à Berlin. Il pensa en perdre la raison de désespoir et de douleur. Jusque-là, il avait tenu bon contre l'adversité. Il se surveillait, se soignait, portait beau et très droit encore, très jeune sous ses cheveux gris de fer, voulait vivre pour que l'enfant fût élevé comme il le voulait. Il revint en toute hâte vers sa vieille demeure. Et quand il y arriva, après 2 journées de voyage, ses serviteurs eurent peine à le reconnaître. Son visage amaigri, creusé, raviné de rides, ses yeux caves brûlés par le sel des larmes, son grand corps courbé, affaissé, étaient ceux d'un vieillard octogénaire, alors qu'il comptait à peine 60 ans. Il voulut revoir les restes mutilés, déchirés, de son petit-fils. En vain essaya-t-on de l'en dissuader. Il imposa sa volonté à tous. On rouvrit le petit cercueil et il revit ce qui avait été Ludwig Michael. Alors, levant les mains vers la grande croix noire placée au chevet de la bière, sur le mur, il cria, d'un tel accent que tous ceux qui l'entendirent tremblèrent de pitié et d'effroi, « Mon Ludwig, mon petit, Dieu, est-ce juste cela ?» Durant un mois, muet, farouche, il ne vécut que pour aller prier au pied du mausolée où le père, la mère et l'enfant dormaient leur suprême sommeil. Puis, sous l'empire d'une idée qui, sans doute, le tourmentait beaucoup, il s'enferma dans son bureau et écrivit de longues lettres. Enfin, un soir, une jeune femme se présenta au château, vêtue de noir, simplement et strictement mise. Elle fit passer sa carte au général, qui la reçut immédiatement. Et le soir même, Franz von Flegels, très surpris à la vue de l'étrangère, entendit son père lui dire « Fraulein Elsa von Flegels partagera désormais notre existence, mon cher fils, durant quelques mois au moins. » Car j'ai résolu d'écrire mes mémoires et Fraulein Elsa von Flegels me servira de secrétaire. « Bien, mon père, » répondit le colosse en inclinant la tête devant la jeune femme. Chapitre 2. Dès le lendemain, seul avec Elsa, le général parla. « Mademoiselle, » dit-il, « je vous ai demandé de venir à moi pour m'aider à éclaircir le mystère qui pèse sur la mort de mon pauvre petit Ludwig. » Je sais qui vous êtes. Von Reiter et Von Horn sont de mes amis. Ils n'ont pas oublié le jeu terrible que vous avez joué contre Von Bissing et ils vous admirent. Von Reiter m'a dit que seul vous seriez capable de me donner la preuve de ce que je soupçonne. C'est pourquoi je vous ai écrit, car avant de mourir, je veux venger mon petit-fils. Deux lourdes larmes, comme il parlait ainsi, roulèrent jusque dans sa moustache grise. « Il faut me pardonner si je pleure, » dit-il en les essuyant. « Je ne puis pas m'en empêcher. Ah, Dieu, si vous saviez comme il était gentil, affectueux et gai. Et je l'ai vu au cercueil, déchiré, défiguré, éventré, mis en loque. Un si bon petit être, et ses chiens l'aimaient pourtant. « Voulez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» dit Elsa, émue par cette immense douleur. « Oui, ce ne sera pas long. » Après la guerre, comme on avait constaté la présence de véritables bandes de loups dans le pays, de rudes hivers les avaient fait descendre de Russie sans doute, j'eus une meute de ces dogues d'Ulm. Ils étaient quatre couples, splendides, accoutumés à cette chasse. Avec mon fils et moi, avec Ludwig, avec Rupresk et Kasper qui prenaient soin d'eux, c'étaient des moutons. Mais ces chiens-là sont sujets à de brusques sautes d'humeur. Ils entrent en fureur pour une vétille. Si, à ce moment-là, on ne leur tient pas tête, vigoureusement, avec le fouet et le bâton, les choses vont mal. Toutefois, ils aimaient Ludwig. Et pourtant, ils l'ont étranglé et mis en pièces. Vous n'avez donc pas mis l'enfant en garde contre le danger qu'il pouvait courir du fait de ses chiens? 100 fois au contraire. Je lui avais dit de ne jamais entrer seul dans leur chenil. Il m'avait bien promis de ne pas le faire, non par crainte d'une correction, mais parce qu'il redoutait, au-dessus de tout, de me contrarier. C'était un enfant très doux, très obéissant, très intelligent. Pour quelle raison est-il entré dans ce chenil? Car il y est entré. Comment? C'est ce que j'ai essayé de savoir. J'ai interrogé tout le monde, mais nul ici n'a pu me répondre. Qui a découvert le drame? C'est Kasper, le valet de chien. Il a entendu les aboiements furieux des bêtes, les cris horribles de l'enfant. Il a donné l'alarme. Mon fils, à l'entendre, est arrivé aussitôt avec un pistolet. Rupert, qui loge près des chenils, est accouru avec son fusil. Mais il était trop tard. Les bêtes étaient à la curée et il a fallu les tuer pour pouvoir reprendre les restes sanglants de mon pauvre petit. Il lui avait arraché la gorge, ouvert le ventre. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ? Elsa l'écoutait, muette d'horreur. Elle dit, après un long silence, « Avez-vous conservé les vêtements que portait votre petit-fils ? Oui, on les a gardés pour l'enquête judiciaire. On me les a restitués après avoir conclu à un malheureux accident. Ce sont des reliques pour moi. Pourrais-je les examiner, général ? Oui, Venez avec moi, mademoiselle. » Elsa suivit le général dans une pièce voisine de son cabinet. Là, Ulrich von Fregels ouvrit un coffre-fort dont il tira une grande cassette d'ébène. L'instant d'après, Elsa, sur une table, étalait avec précaution des loques couvertes encore de boue sèche, de traces de bave, de taches de sang devenues noires et brunes. Il y avait là des sandales de peau de daim, des bas de laine blanche, une culotte de boy scout en drap tyrolien vert-pois, un caleçon court et une chemise bouffante en popeline de soie, un maillot de corps en filet de laine, une ceinture de peau de daim gris dont la boucle manquait et un large foulard, blanc, rouge et noir, aux couleurs impériales. La jeune femme, pièce à pièce, examinait tout cela avec attention. Elle prit enfin la chemise, regarda le poignet de la manche droite, où était encore passé un bouton à chaînette formé d'une agate arborisée et d'une olive d'or. « Où donc, dit-elle, est la seconde manche ?»« La seconde manche, je ne sais pas, dit le général. » « Oui, tiens, elle manque. Où peut-elle être »« Qu'a-t-on fait des cadavres des chiens ?» demanda Elsa. « On les a enfouis avec soin au fond d'une sablière dans la propriété. »« Il faudrait les déterrer et les faire autopsier le plus vite possible, pas par un vétérinaire, par un médecin légiste. »« Ce sera fait, » dit le général. « Mais il faudrait le faire en secret ou, enfin, avec la plus grande discrétion. Je voudrais savoir. » Elle se tut brusquement. Franz von Flegels entrait dans la pièce et regardait avec stupeur les loques déchirées étalées sur la table. « Comment ? » dit-il d'une étrange voix de tête, traversée d'intonations rauques. « Vous êtes encore à contempler ces horreurs, mon père ?»« Oui, » dit von Flegels. « Je racontais à mademoiselle la fin du pauvre petit Ludwig. » Elsa, en silence, regardait le colosse bouffi qui se tenait devant elle. « Ah, vous feriez mieux de brûler tout cela, père, » dit Franz. « Vous vous tuez à toujours remâcher ces souvenirs. Ce n'est pas raisonnable. Vous vous faites bien du mal inutilement. » « Ce sont ses reliques à ce petit martyr, » dit le général. « Au fait, Franz, puisque c'est toi qui as emporté le pauvre chéri dans tes bras, ne sais-tu pas où est l'autre manche de sa chemise ? Ne l'as-tu pas vue ? Une manche de chemise, il en manque une, » fit le colosse d'un air surpris. « La manche gauche, » dit Elsa, « et vous ne savez rien ?»« Quoi ? » fit le colosse avec une espèce de fureur. « Avais-je la tête à penser à une manche à ce moment-là ? Si elle manque, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi qui l'ai. Dieu vivant, à quoi bon conserver tout cela ? » Il haussa les épaules, fourra les mains dans ses poches et s'en alla en grommelant. « Vous en deviendrez fou, mon père, je vous le dis !» Il referma la porte avec violence, après avoir jeté un coup d'œil hostile à Elsa. « Fou, oui, sans doute, » murmura le général en hochant la tête. Puis, s'adressant à Elsa, il dit « Que vouliez-vous dire tout à l'heure au sujet de cette manche gauche ? Vous avez remarqué quelque chose ? Qu'elle a été arrachée avec violence, comme si, par exemple, elle était restée au croc de l'un des chiens, ou comme si on l'avait brutalement séparée du corps de chemise. Voyez plutôt ses effilochures. « Arrachée ? » répéta le général. « Mais par qui ? « Et pourquoi ?»« Par qui ? Je ne le sais pas, général, » dit la jeune femme. « Pourquoi ? Je crois le deviner. »« Seigneur, qu'allez-vous me dire ?»« Simplement ceci. Je crois que quelqu'un a eu intérêt à faire disparaître cette manche ou a cru avoir intérêt à le faire. Et c'est cela, je le crois fermement, général, qui va nous conduire à la vérité. » Chapitre 3. Devant Elsa et le général von Fregels, le docteur Heinrich Sorer, venu tout exprès de Berlin avec deux de ses aides, exposait le résultat de ses recherches quant à l'autopsie des huit dogues. Elle se trouvait singulièrement favorisée par les circonstances, car le sol dans lequel les énormes bêtes avaient été enfouies était, de par sa nature même, extrêmement sec. C'était un sablon graisseux, d'un blanc jaunâtre, très fin. Les cadavres des chiens s'y étaient momifiés, sans presque se décomposer. C'est ce que le médecin, un petit homme chauve, aux favoris gris, à la lèvre supérieure bien rasée, expliqua en termes fort clairs au général et à Elsa. « Une chose m'a paru assez surprenante, » conclut-il, « c'est que ces bêtes étaient absolument à jeun. Il n'y avait trace de nourriture ni dans leur estomac ni dans leurs intestins. Et leur jeûne, pour que la vacuité de ces organes fût aussi totale, aussi absolue, a duré au moins 3 jours. Au moment où l'accident qui vous a mis en deuil, monsieur le général, s'est produit, il est certain que ces bêtes devaient se trouver terriblement affamées. « Quoi ? Comment ? Que dites-vous ? » balbutia le général. « Affamées ? Vous dites que mes chiens étaient affamés ? » « Complètement. Je vous répète que, de 3 jours au moins, ces bêtes n'avaient rien avalé qu'un peu d'eau. Elles étaient donc enragées de faim et de soif quand ce malheureux enfant a été assez imprudent pour entrer dans leur chenil. Affamés, mes chiens, mais Casper était là pourtant. Pourquoi ne leur a-t-il pas donné à manger puisqu'il le faisait tous les jours ? Ah, cela, je veux le savoir. Je le saurai. Je vais faire venir ce Casper, et dussé-je le tuer à coups de fouet, il parlera, » dit Von Flegels avec une fureur sourde. Il se levait déjà pour aller sonner quand Elsa, très doucement, lui posa la main sur le bras. « Je vous en prie, général, pas encore, » dit-elle. Puis, s'adressant au docteur Sorin, elle demanda « N'avez-vous pas trouvé, monsieur le docteur, des débris d'étoffe dans l'estomac de l'un de ces chiens ? N'a-t-on pas déterré, en même temps que les cadavres de ces animaux, une manche de chemise, par exemple ?»« Non, mademoiselle, » répondit le médecin légiste. « Je vous remercie, monsieur le docteur. » Le médecin se retira. « Il faut maintenant faire retourner et cribler, poignée par poignée, le sable du chenil, » dit Elsa avec un peu de fièvre. « Il faut retrouver la boucle de ceinture et le bouton de manchette perdu. » « Pourquoi ? Vous avez une idée, déjà ?» demanda le général frémissant. « Peut-être, » dit Elsa, « mais je ne la formulerai devant vous que lorsque je serai certaine de ne pas me tromper. » Von Flegel soupira et baissa la tête. « J'attendrai donc, » dit-il péniblement. « Voulez-vous m'aider ?» demanda Elsa. « Oui, n'est-ce pas ? « Eh bien, ne soufflez mot à personne, pas même à votre fils, de ce que vient de nous révéler le docteur Sorer. Faites venir le maçon avec ses cribles et ses hommes, et que l'on se mette à la besogne le plus tôt possible. »« Mais que dirais-je au maçon ? Il faudra bien lui faire connaître l'objet de cette recherche. »« Sans doute, mais n'en parlez qu'à lui. » »« Il le dira à ses hommes, et une heure plus tard, tout le monde le saura ici. » « C'est bien sur quoi je compte, » dit Elsa avec un bref sourire. « Je ferai comme vous le désirez, » dit Von Flegels. Chapitre 4. Le lendemain même, le maître maçon était à la besogne. « Pourquoi faites-vous faire ce travail ?» demanda Franz, étonné, à son père, quand tous trois eurent pris place à table pour le déjeuner. Pour essayer de retrouver la boucle de la ceinture et le bouton de manchette de mon pauvre petit Ludwig, répondit le général. Faire remuer 10 mètres cubes de terre et de sable pour ces babioles sans valeur aucune, fit le colosse. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et surtout, surtout, père, pourquoi, à votre âge, vous imposez-vous de rester là durant ce travail ? Pour un peu, vous cribleriez le sable vous aussi. « En quoi cela te gêne-t-il ? » demanda rudement le vieil officier. « Cela ne me gêne pas, vous vous rendrez encore plus malade, voilà tout. Pour parler d'autre chose, père, quand allez-vous commencer à dicter vos mémoires ?»« C'est à vous de répondre, Fräulein Elsa, » répliqua Von Flegels. « Nous commencerons quand monsieur le général le voudra, » dit la jeune femme. « Pour le moment, nous nous efforçons, » par des conversations préliminaires, d'établir un plan des chapitres. Quand tout sera bien arrêté et mis en ordre, le travail d'écriture se fera sans encombre, d'autant plus rapide qu'il aura été mieux préparé. Et vous pensez que ces mémoires seront intéressants ? Ce que M. le Général m'a conté déjà, incidemment, de la vie à la cour de Berlin, excitera une curiosité considérable, répliqua hardiment Elsa, qui se leva de table, à l'exemple du Général, afin de passer dans le salon où le café était servi. Franz von Flegels, tout en buvant et en fumant, continua la conversation. Encore que l'on eût passé la terre du chenil aux trois cribles, on n'avait rien trouvé, ni boucle, ni bouton, ni manche de chemise. Et, bien que Franz von Flegel manifestât une vive répulsion pour un tel sujet de conversation, il ne put s'empêcher de dire, quand il fut avéré qu'on ne trouverait rien, qu'il avait toujours pensé qu'il en serait ainsi. « Pourquoi donc, monsieur le commandant ?» dit Elsa de son air le plus candide. « Que l'on n'ait pas retrouvé le bouton de manchette, passe encore. Mais la boucle de ceinture, c'est gros, une boucle de ceinture. Quelqu'un a dû avoir un intérêt quelconque à détourner ces trois objets. C'est singulier. Et si l'on rapproche cela de ce que m'a dit monsieur le général ?»« Quoi donc ?» demanda Franz en regardant fixement Elsa. « Que le docteur Sorer l'a assuré que les chiens étaient à jeun depuis 3 jours au moins. Quoi, que dites-vous? Ce n'est pas moi, » balbutia le colosse. « Ruprecht et Casper ont soigné les bêtes comme de coutume. Cela, j'en puis répondre. » Ida, la femme de chambre, m'a dit qu'avant l'accident, il n'avait cessé, jour et nuit, de hurler et d'aboyer, reprit le général à son tour. « Eh, c'était la pleine lune à ce moment-là, » dit Franz, « et chacun sait que les chiens font leur sabbat aux nuits de pleine lune l'été. Ils n'ont pas manqué à la coutume. »« Mais pourquoi n'ont-ils pas mangé ?» poursuivit Elsa. « C'est très singulier, avouez-le. »« Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mangé. La chaleur les éprouvait sans doute, » reprit le colosse. « Ce que je sais, c'est que Casper leur donnait régulièrement eau et pâté, » et je me souviens même que la veille, oui, la veille de cette affreuse chose, je les ai vus dévorant leur pitance avec une ardeur sans pareille. Je les ai vus, oh, je m'en souviens parfaitement. Mais le docteur Sorin dit qu'ils n'ont pas mangé durant 3 jours au moins, et 4 peut-être, qu'ils n'avaient plus rien dans le ventre, cria le général. Et ce Sorin est un vieil imbécile. Le meilleur des médecins légistes de Berlin. Un imbécile! Je dis ce que j'ai vu, gronda Franz. Les chiens mangeaient. Ils faisaient du sabbat, oui. Mais ils ont mangé. Ils ont mangé. Je les ai vus. Et tous les médecins légistes du monde ne me feront pas dire le contraire. Ah ça, est-ce que la parole d'un officier, d'un major prussien, ne vaut pas celle d'un sale petit savantas, d'un buveur d'huile de lampe? « Et vous, là, Fraulein Elsa, que croyez-vous donc, hein? Allons, parlez !»« Mais je ne crois rien, monsieur le commandant. Je pense toujours à ce pauvre enfant. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je cherche à le savoir, » répondit Elsa. « Oui, eh bien, laissez donc tout ça tranquille, allez. Ça vaudra mieux pour votre salut et pour le nôtre. Ce qui s'est passé, c'est le secret de Dieu. » Et c'est péché d'interroger ainsi la cendre des morts. Qu'on laisse le petit Ludwig dans la paix de sa tombe et les vivants dans la paix de la vie. Cela vaudra mieux, croyez-moi, beaucoup mieux. » Il frappa du poing le bras de son fauteuil, se leva, s'en alla, et le bruit pesant de ses pas décrut dans la galerie. Elsa et Van Fregels échangèrent un long regard. Et les yeux de la jeune femme avaient une expression si étrange que le vieil homme murmura « Il a menti, n'est-ce pas? Il a menti. Vous le croyez comme moi ?»« Oui, » dit Elsa, « il a menti. Mais pourquoi a-t-il menti ?»« Vous le savez aussi, » dit le général, dont les mains tremblaient. « Vous pensez ce que je pense. » Et comme la jeune femme se taisait, il ajouta « C'est lui ?» C'est lui qui a livré le petit martyr aux bêtes. Nous le saurons bientôt, j'en ai la conviction, général, dit la jeune femme. Mais des soupçons, des présomptions ne suffisent pas. Il me faut une preuve. Oui, dit le vieillard, une preuve, seigneur, et je le jure par ton saint nom, j'accomplirai moi-même ta justice. Chapitre 5. Trois jours plus tard, Elsa, seule, se promenait dans le parc. Septembre allait venir et déjà les soirées étaient plus fraîches. La jeune femme marchait d'un bon pas le long d'un routin forestier du parc. Elle avait au poing une solide canne ferrée et portait une robe en cheviotte tête de nègre. Un chapeau de feutre topé noir la coiffait. Dans le soir déclinant, elle allait, belle et svelte silhouette un peu sombre, parmi l'or et la pourpre des feuillages, déjà décolorés par le vent froid du nord. Tout à coup, un coup de feu sonna sur sa droite et une balle fit voler devant elle un lambeau d'écorce au tronc d'un bouleau, puis un second coup de feu retentit. Et cette fois, Elsa, fléchissant sur les genoux, tomba en avant, se retint un instant sur ses mains et enfin s'allongea sur le sol dans un long sursaut nerveux. Elle était là, la face contre terre, les genoux fléchis, le bras gauche replié sous elle, le bras droit à demi étendu. Et son corps était agité de réflexes inconscients. Alors il y eut, sous l'épais couvert du taillis, un cliquetis d'armes. Le bruit d'un fusil dont on éjecte les cartouches. Puis un homme apparut qui déboucha sur le routin, un peu au-dessus de l'endroit où gisait Elsa. Il vint vers elle, les canons du fusil relevés et appuyés contre sa poitrine, le doigt sur la détente, prêt à abattre son arme et à faire feu. « La sacrée gueuse » fit-il en se penchant. Il n'eut pas le temps d'en dire davantage. Elsa, de la main droite, l'empoignait par la cheville gauche, la tirait violemment à elle et, en même temps, se relevait d'un bond de fauve dans une détente formidable de tous ses muscles. L'homme, avec un cri de terreur, basculait rudement en arrière en appuyant sur la détente de son arme dont les deux coups partirent en l'air à la fois. Mais c'était un gaillard robuste et déterminé. Il se releva d'un saut. Elsa était déjà sur lui, lancée comme un fauve, et le pied sur la carabine à deux coups dont il s'était servi, braqué devant le visage de l'assassin un Browning de gros calibre. « Haut les mains et en arrière » dit-elle durement. L'homme, avec un grondement, obéit, l'œil mauvais. « Pas un mouvement, dit encore Elsa, ou je vous brûle !» Sans le quitter des yeux, elle ramassa la carabine, s'effaça et dit encore « « Passez devant et au château. N'essayez pas de fuir ou je vous abats comme un chien. »« Je ne veux pas aller au château, » murmura l'homme. « Je vous donne 20 secondes pour vous décider. Sinon, je vous crève le ventre. Au lieu d'aller au château sur vos jambes, vous irez sur un brancard. »« Le général me tuera. »« Non, allons, marchez. » L'homme, les mains toujours levées, se mit en marche d'un pas pesant. Il allait comme ivre. Puis brusquement il se retourna, bondit vers la jeune femme, les mains tendues, crispées, la bouche tordue par un rictus. Mais Elsa était sur ses gardes. Elle tira, et l'homme, atteint au bras droit, s'arrêta net dans son élan. « Demi-tour, commanda Elsa, et au château !» L'homme, vaincu, se remit en marche en gémissant. Chapitre 6. Le général était seul dans son bureau quand la jeune femme y pénétra avec son prisonnier. Il regarda l'homme avec étonnement, puis Elsa, qui posait sur un guéridon la carabine à deux coups et son propre chapeau. « Que s'est-il passé ? » demanda-t-il. « Et qu'as-tu, toi, Ruprecht ?»« Je vais vous le dire, général, » répondit Elsa. Elle fit le récit de ce qui s'était passé. Le général l'écoutait en silence, en regardant de temps en temps le grand gaillard robuste, aux larges épaules, à la barbe rousse en éventail, aux yeux verts de mer, fort comme un bœuf, qui avait été si bien et si rudement mis à la raison par cette élégante et svelte jeune femme. Ruprecht, muet, enroulait un mouchoir sur sa blessure et, en dessous, regardait Elsa, de l'air humilié, farouche et rageur, d'un vieux loup pris au piège. « Pourquoi tu fais ça, canaille ?» dit enfin le général. « Votre noblesse, parole, c'était le soir, je n'ai pas bien vu, je l'ai prise pour une bête puante. »« Vous mentez, » dit froidement Elsa, « on ne tire pas une bête puante à 1,70 m du sol. et je ne suis tout de même pas assez petite pour être confondue avec un renard, une fouine ou un blaireau. » Mademoiselle a raison, dit Von Fegels, tu as menti. Allons, parle, je te l'ordonne. Ruprecht baissa le front et ne répondit pas. Demandez-lui plutôt, général, ce qu'ils ont fait de la boucle de ceinture, de la manche de chemise et du bouton de manchette du pauvre petit Ludwig, dit Elsa. Le garde-chasse releva les yeux, regarda la jeune femme et eut un frémissement convulsif. Quoi ? La boucle, la chemise, fit-il d'un air hébété. Oh, vas-tu parler, toi ? Dit le général en saisissant sur son bureau un coutelas de chasse. Oui, votre noblesse, je parlerai, votre noblesse. La boucle, c'est moi qui l'ai, balbutia le garde-chasse. Je l'ai ramassée dans le chenil. Sa noblesse Ludwig m'avait dit qu'elle était en or massif, et je le croyais, alors je l'ai prise. Mais qui a gardé la manche de chemise et le bouton ? Je ne sais pas. Tu mens. Allons, à vous, c'est toi qui l'as arraché. C'est pas moi, je le jure, c'est pas moi. C'est toi. C'est le jeune maître quand l'enfant s'est sauvé la première fois et qu'il l'a repris. Oh, Dieu vivant ! Dit tout bas le général. Il marcha à Ruprecht et, le coutelas au poing droit, saisit de la main gauche le garde-chasse par la barbe, si rudement que l'homme en gémit de douleur. « Si tu ne dis pas toute la vérité, toute, entends-tu, je vais t'égorger comme un porc à l'instant. »« Lâchez-le, général, dit Elsa, il parlera. » Et Ruprecht, lâché par le vieil homme, parla. « Le jeune maître a dit, quand sa haute noblesse est partie à Berlin, « vous ne donnerez de 4 jours ni à boire ni à manger aux dogues, ils sont trop gras. »« Moi, j'ai dit, excellence, ils en crèveront. » Alors, le jeune maître m'a donné un coup sur le nez en me disant, « C'est toi qui en crèveras, brute, si tu n'obéis pas. » Alors, j'ai dit à Casper de ne pas donner à manger ni à boire à Wolf, ni à Fafner, ni aux autres dogues. Il a dit aussi, « Ça va les faire crever. » Et moi, j'ai tapé dessus pour lui faire entrer l'idée dans la tête. Le 4e jour, le maître est venu au chenil avec sa noblesse Ludwig. Il a dit à l'enfant qu'on allait donner à manger aux chiens et qu'il fallait venir voir ça. Et quand il a été là, le jeune maître a ouvert la porte du chenil et il a poussé parmi la meute. Les chiens ont grondé, mais le petit a crié « Fafner, Wolf, Hilda !» Et ils l'ont flairé, mais ils ne l'ont pas touché. Alors le petit a attrapé la porte, il l'a ouverte et il s'est sauvé en criant « j'ai peur, ils me mangeront !» C'est alors que le jeune maître l'a rattrapé par sa manche de chemise en disant « sacrée petite rosse !» L'enfant s'est débattu en criant, la chemise s'est déchirée et le petit s'est encore sauvé. C'est Casper qui l'a rattrapé cette fois et qui l'a soulevé en l'air. Il l'a jeté au chien par-dessus la grille pendant que le jeune maître criait « pille donc, pille, pille !» L'enfant saignait. Alors les chiens, en voyant le sang et en sentant son odeur, ont sauté sur l'enfant et c'est Wolf qui l'a mordu à la gorge. En 5 minutes, ils en avaient fini. Nous nous étions sauvés pour ne pas entendre les cris du petit. Alors nous sommes revenus et nous nous sommes mis, le maître avec son pistolet, moi avec mon fusil, à tuer les chiens. « Mon Dieu, comment avez-vous pu permettre cela ?» dit Elsa, pâle d'horreur. Le général, immobile, muet, semblait changer en statue. Enfin, il eut un long soupir, se leva et sonna. « Allez chercher Casper !» dit-il au valet de chambre qui se présenta aussitôt. Un quart d'heure s'écoula. Enfin, Casper apparut. C'était un homme de 5 pieds 6 pouces, taillé en force, dont le visage épais et rond, haut en couleur et rasé, n'exprimait rien que la servilité. « Ruprecht, vienne m'avouer votre crime !» lui dit Von Fegels. « Il m'a dit comment est mort le petit Ludwig. Raconte ce que tu sais à ton tour et ne mens pas !» Casper obéit. Son récit confirma le récit du garde-chasse. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda enfin Von Fegels. « Pour de l'argent ? » « Non, votre noblesse, nous n'avons pas été payés, mais le jeune maître avait commandé, et il fallait bien obéir, on a obéi. » « C'est un crime impardonnable, dit le général, mais je ne veux pas que la justice s'en mêle. Je laisse à Dieu le soin de vous punir. Allez-vous-en et taisez-vous. » « Oui, votre haute noblesse, dirent les deux brutes qui se retirèrent à reculons et en saluant jusqu'à terre. » Le général sonna, le valet de chambre reparut. « Dites à mon fils de venir me rejoindre ici, ordonna-t-il. » Puis, s'adressant à Elsa, il ajouta avec douceur « Je vous remercie, mademoiselle. Je soupçonnais la vérité, car Franz était, je le savais, affreusement jaloux de mon petit-fils. Il ne peut pas fonder un foyer ni créer une famille, et il ne pouvait pas supporter l'idée que le fils de son frère serait mon héritier et le sien, et réunirait sur sa tête la gloire et les honneurs de notre race. Voilà quels sont les mobiles qui l'ont fait agir. Ils ne sont pas nobles, ils ne sont pas beaux. Ils l'ont conduit à un crime affreux, sans précédent peut-être. C'est à moi de régler cela maintenant. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle. » Elsa se retira, le cœur serré. La fin de ce drame effroyable peut tenir en quelques mots. Le major Franz von Fregel fut trouvé mort le lendemain, dans sa chambre, la tête cassée d'un coup de pistolet d'ordonnance. Le général von Fregel mourut un mois après son fils. Il léguait par testament ses biens à des œuvres d'assistance à l'enfance malheureuse. Et son château est devenu un hospice d'enfants sous le vocable de Ludwig Michael. Fin de Tragédie prussienne de Gaston Charles Richard.